photogrammétrie. Cette technique consiste à assembler des milliers de photos prises sous différents angles pour générer des modèles 3D détaillés, notamment des éléments décoratifs et architecturaux.